Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Et c'est le Red Champagne, c'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. On va essayer de faire le tour des Québécois qui évoluent dans le baseball affilié, qui ont des bonnes chances un jour d'atteindre le baseball majeur. Et un de ceux, ben, c'est la première année qu'on entend vraiment parler de lui parce qu'il frappe très, très bien avec l'organisation des Blue Jays de Toronto dans le filiale A. C'est à Lansing. C'est Otto Lopez, un joueur de la République dominicaine qui vit à Montréal. On le rejoint à une heure du match qu'il évolue avec sa formation de Lansing. Salut Otto! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Otto, d'abord, si tu me parles, c'est la première année que tu évolues avec, qu'on entend parler de toi. Ça fait combien de temps que tu évolues avec les Blue Jays de Toronto, avec l'organisation des Blue Jays? J'ai signé en 2007. Okay. Maintenant, c'est la troisième année. Là. OK. Et là, tu as commencé, l'année passée, tu étais avec les Canadiens de Vancouver, quoi? Ouais, je jouais dans les A avec les Canadiens de Vancouver. OK. A faible. Cette année, ça va très, très bien pour toi. Au moment où on enregistre le podcast, t'as une séquence de 6 matchs avec 2 coups consécutifs. Tu frappes pour 308. C'est vraiment phénoménal. Est-ce que ça va selon ce que tu pensais que ça allait? Ben, je pensais pas que ça allait être facile, mais maintenant, en ce moment, je me sens bien au bâton. Genre, je me sens parfaitement sur la butte. Et là, je pense que si je continue comme ça, ça va jusqu'à la fin, ça va être très parfait comme je l'attendais. Là. OK. Tu joues à l'arrêt court actuellement. Est-ce que tu peux jouer à d'autres positions? Parce que je regarde le line-up des Blue Jays. À l'arrêt court, il y a un certain Beau Bichette qui est là. Tu as Jordan Grossman également qui a été le premier choix l'année passée des Blue Jays qui, lui, évolue à Dunedin. Est-ce que tu peux te débrouiller à d'autres positions? Je me débrouille bien dans toute l'infield. Je peux jouer third base, je peux jouer second base. Je peux aussi me débrouiller dans l'outfield. Je joue pas mal partout. Là. OK. Tu t'as frappé en ambidex, je pense, hein? Non, je frappe juste à la droite. Tu frappes juste à la droite, OK. C'est quoi ta force? Est-ce que défensif, est-ce que tu es un joueur d'arrêt-court quand même? C'est quoi ta position plus naturelle? En plus naturel, je dirais que c'est le deuxième but. OK. Mais comme j'ai bon de débrouillement avec mes pieds, puis ça, puis me mettre tous à l'arrêt court pour voir qu'est-ce que je pourrais faire de là, puis sinon, je pourrais jouer partout sans problème. OK. À l'arrêt court, comment tu trouves l'adaptation? Ça ne doit pas être nécessairement facile parce que, regarde, il y a beaucoup plus de positions de terrain à couvrir. Comment tu trouves ça? Ça prend quand même un excellent bras pour jouer à l'arrêt court, là. Ouais, c'est pas mal savoir qu'est-ce que t'as dans le bras, parce que c'est une position très loin, genre, pour un genre d'infield. OK. Je pense que c'est plus ton arme, là. Si ton arme est en santé, puis tu vas te débrouiller bien. Ça, que oui. Okay. Est-ce que l'organisation des Blue Jays t'a parlé que si jamais tu continues à progresser demain, qu'il pourrait monter à Dunedin ou même à Cliffisher Cats? Ils me disent pas ça. Ils me disent juste de travailler fort comme j'ai continué à faire. Puis de pas lâcher, genre. Okay. Puis pas lâcher. Continuer à faire le bon travail. Puis aussi, comment on peut dire ça? Travailler plus fort que genre, tout le monde, genre. OK. Et plus ça, là. Otto, si on parlait un peu de comment tu te vois tu te vois dans combien de temps les majeurs? Moi, je dirais, je sais pas vraiment, mais je dirais plus 2 ou 3 ans. 2 à 3 ans, OK. Puis ça continue à bien aller, c'est ça? Parce que l'objectif, ça continue, c'est Lansing, tu peux passer au New Hampshire l'an prochain. Ouais, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Comment tu trouves ça, le baseball mineur, on parle toujours de comment que c'est pas facile, tu sais, il faut être 2, puis 3, puis 4 dans des appartements, beaucoup d'autobus également. Comment tu trouves ça, la carrière de joueur de baseball mineur? En ce moment, je suis accueilli dans une famille. OK. Ouais, puis ben ici au niveau du terrain, c'est pas mal bien assemblé puis tout coordonné bien puis tout. À niveau de ça, je pense qu'on est correct. OK. Puis c'est pas trop difficile si tu as un plan de travail. OK. Ça ressemble à quoi une journée pour toi? Ça ressemble tu te lèves à quelle heure, puis ainsi de suite? Ça commence à quelle heure, une journée de travail? Ça ressemble à quoi une journée de travail pour Otto Lopez? On se réveille, genre, moi, je me réveille à comme à 8h ou 9h. OK. Je prends un bon repas, une bonne bouffe. Puis après ça, je viens au terrain genre à 2h, 2h30. OK. Là, je commence à me mettre loose puis tout ça. Puis après ça, on commence la pratique environ 3h30 ou 4h. Ouais. Puis depuis là, 6 jusqu'à 6h30, on est bon pour la game. OK. À 7h05. OK. Donc, puis quand c'est le matin, c'est beaucoup plus tranquille. Parce qu'il y a des matchs le matin dans le baseball mineur. Ça te fait lever beaucoup plus tôt, j'imagine. Là. Surtout le dimanche, c'est beaucoup plus facile parce que on se réveille le matin, on va direct au game. OK. Ouais. Otto, t'es pas sans. Tu t'es donné 2 à 3 ans pour atteindre les majeurs. D'ici 2 à 3 ans, il risque d'avoir le retour des expos. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te fatigue un peu? Tu n'as peut-être jamais entendu parler des expos, là? Non, pas vraiment, mais mon père, il m'avait parlé beaucoup de ça quand il est arrivé à Montréal. OK. Puis comment tu vois ça, si jamais joué chez vous? C'est sûr que là, tu jouerais pour les Blue Jays, mais une rivalité Blue Jays-Expo, c'est spécial pareil? Ça serait impressionnant, oui. Effectivement. Ben, Otto, on va te souhaiter la meilleure des chances. Continue à bien frapper. 308 au moment où on enregistre ce podcast. 6 matchs consécutifs avec 2 coups sûrs. Ça va très, très bien. T'es classé, je pense, 17e meilleur espoir sur le roster des Blue Jays. Au plaisir de se reparler, puis peut-être l'an prochain, on va s'en reparler. Merci. Otto Lopez, de l'organisation des Blue Jays de Toronto.